En bâillant longuement, elle traversa sans lumière la petite chambre où dormait sa fille. Elle n'entrevit de Gilberte dans la pénombre qu'un buisson de cheveux et le galon russe d'une chemise nuit. Elle s'enferma dans le cabinet de toilette exigu et, en dépit de l'heure avancée, alluma le gaz sous une bouillotte pleine d'eau. Car Madame Alvarez avait fortement inculqué à sa descendance, entre autres vertus, le respect de certains rites et de maximes telles que « la figure, tu peux, à la rigueur, la remettre au lendemain matin en cas d'urgence et de voyage, tandis que le soin du bas du corps, c'est la dignité de la femme. » Couchée la dernière, Madame Alvarez se levait la première et ne souffrait pas que la femme de ménage touchât au café matinal. Elle dormait dans la salle à manger salon, sur le divan praticable, et ouvrait, la demie de 7 heures sonnant, aux journaux, aux litres de lait et à la femme de ménage, l'une portant les autres. À 8 heures, elle avait déjà quitté ses épingles à onduler et lissé ses beaux bandeaux. À 9h10, Gilberte partait pour son cours, nette et les cheveux brossés. À 10h, Madame Alvarez pensait au déjeuner, c'est-à-dire qu'elle endossait son caoutchouc et, passant à son bras l'anse du filet, s'en allait au marché. Ce jour-là, comme les autres jours, elle s'assura que Gilberte ne serait pas en retard, posa tout bouillant sur la table le pot de café et le pot de lait et déplia le journal en entendant Gilberte qui entra, fraîche, fleurant l'eau de lavande, encore un peu ensommeillée. Un cri de Madame Alvarez acheva de l'éveiller. « Appelle ta mère, Gigi. Liane d'Exelmann s'est suicidée. »« Oh !» s'écria longuement la petite. « Elle est morte ?»« Que non, elle connaît son affaire. »« Qu'est-ce qu'elle a pris, grand-mère? Un revolver ?» Madame Alvarez regarda sa petite fille d'un air de commisération. « Tu n'y penses pas, du laudanum comme d'habitude. » Sans pouvoir répondre encore des jours de la belle désespérée, les docteurs Morez et Peldoux, qui ne quittent pas son chevet, ont émis un diagnostic rassurant. Mon diagnostic à moi, c'est que Madame d'Exelmann, à ce jeu-là, finira par se détériorer l'estomac. L'autre fois, grand-mère, c'était pour le prince Georgevitch, n'est-ce pas, qu'elle s'est tuée? Où as-tu la tête, ma chérie? C'était pour le comte Berthoud de Sauveterre. Ah oui, c'est vrai! Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, tonton? Les vastes yeux de Madame d'Alvarez rêvèrent un moment. C'est pile ou face, mon enfant, nous le saurons bientôt, même s'il commence par refuser toutes les interviews. Il faut toujours commencer par refuser toutes les interviews. Après, on remplit les journaux. Dis à la concierge qu'elle nous prenne ceux du soir. As-tu assez mangé, au moins? Tu as pris ta seconde tasse de lait, tes 2 tartines. Gante-toi avant de sortir. Ne t'attarde pas en route. Je vais réveiller ta mère. Quelle histoire! André, tu dors? Ah, tu es levé? André, Liane s'est suicidée. Pour changer, grommela André. Elle n'a qu'une idée dans la tête, celle-là, mais elle y tient. Tu n'as pas encore quitté tes bigoudis, André? Pour que je sois défrisée à la répétition, merci. Madame Alvarez toisa sa fille des bigoudis cornus aux pantoufles de feutre. On voit que tu n'as pas à craindre le regard de l'homme, ma fille. La présence d'un homme, ça vous guérit une femme de porter peignoir et savate. Quelle histoire que ce suicide! Elle s'est ratée, bien entendu. La bouche pâle d'André eut un sourire de mépris. On commence à en avoir par-dessus les oreilles de ces purges au laudanum à celle-là. Aussi, ce n'est pas elle qui est intéressante, c'est le fils Lachaille. C'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois que ça lui arrive. Il a déjà eu, voyons, il a eu Gentiane qui lui a volé des papiers et puis cette étrangère qui voulait se faire épouser de force. Mais Liane est sa première suicidée. Dans un cas pareil, un homme aussi marquant doit choisir avec beaucoup de précaution son attitude. Lui, il va crever d'orgueil, tu penses? Il y a de quoi, dit Madame Alvarez. Nous verrons de grandes choses sous peu. Je me demande ce que dira Alicia sur un événement pareil. Elle essaiera de faire battre quelques montagnes. Alicia n'est pas un ange, mais je dois reconnaître qu'elle a des vues qui vont loin, et sans même quitter sa chambre. Elle n'a pas besoin de la quitter puisqu'elle a le téléphone. Maman, tu ne veux pas qu'on le fasse mettre, le téléphone ? C'est une dépense, dit soucieusement Madame Alvarez. Nous sommes déjà très justes. Le téléphone n'est vraiment utile qu'aux hommes qui font de grosses affaires et aux femmes qui ont quelque chose à dissimuler. Tu changerais d'existence, c'est une supposition. Gigi entrerait dans la vie. Je serais la première à dire « mettons le téléphone ». Mais nous n'en sommes pas là, malheureusement. Elle se permit un soupir, se ganta de caoutchouc et vaqua sans tristesse aux soins du ménage. Grâce à elle, l'appartement modeste vieillissait sans trop déchoir. De sa vie passée, elle gardait les habitudes honorables des femmes sans honneur et les enseignait à sa fille et à la fille de sa fille. Les draps ne restaient au lit que 10 jours et la femme de ménage laveuse repasseuse racontait bien haut que chez Madame Alvarez, on n'avait pas le temps de voir passer les chemises et les pantalons de ces dames, ni les serviettes de table. Au cri inopiné de « Gigi, déchausse-toi », Gilberte devait quitter souliers et bas, fournir à toute enquête des pieds blancs, des ongles bien taillés et dénoncer la moindre menace de Durillon. La semaine qui suivit le suicide de Madame d'Exelmans, le fils de La Saille se mit à réagir avec quelque incohérence. Il donna dans son hôtel une fête de nuit où dansèrent les étoiles de l'Académie nationale de musique et fit, pour un souper, ouvrir le restaurant du Pré-Catelan 15 jours avant la date habituelle. Fouti et Chocolat y jouèrent un intermède. Entre les tables du souper, Rita del Irido caracola à cheval, en jupe-culotte à volant de dentelle blanche, un chapeau blanc sur ses cheveux noirs, des plumes d'autruche blanche écumant autour de son visage implacablement beau, si beau que Paris s'y trompa, et annonça que Gaston Lachaille l'a hissé, à Califourchon, sur un trône de sucre. Mais 24 heures plus tard, Paris se détrompait. Le Gil Blas, pour avoir donné de faux pronostics, faillit perdre la subvention que lui consentait Gaston Lachaille. Un hebdomadaire spécialisé, Paris en amour, annonça une autre fausse piste sous le titre « Une jeune et richissime Yankee ne déguise pas son penchant pour le sucre français ». Cependant, un rire d'incrédulité secouait la gorge abondante de Madame Alvarez lorsqu'elle lisait les journaux. Car elle tenait ses certitudes de Gaston Lachaille lui-même, qui trouva le temps, 2 fois en 10 jours, de venir quêter une camomille et d'accoter, au dossier du fauteuil en conque, sa lassitude d'industriel et sa mécontente humeur d'homme seul. Même, il apporta à Gigi un rouleau à musique ridicule, en cuir de Russie à fermoir de vermeil et 20 boîtes de réglisse. Madame Alvarez eut un foie gras et 6 bouteilles de champagne, munificence sur lesquelles tonton Lachaille préleva sa part en s'invitant à dîner. Gilberte, un peu grise, raconta pendant le repas les potins de son cours supplémentaire et gagna au piquet le porte-mine en or de Gaston. Il perdit de bonne grâce, s'anima, rit en désignant la petite à Madame Alvarez. « Mon meilleur copain, le voilà !» Et les yeux espagnols de Madame Alvarez allaient, pleins d'une lente et vigilante attention, des joues rouges et des dents blanches de Gigi au fils de Lachaille qui lui tirait les cheveux à poignée. « Bougresse, tu l'avais dans ta manche, le 4e roi !» André rentra de l'opéra comique sur ses entrefaites, regarda la tête décoiffée de Gigi qui roulait sur la manche de Lachaille et les beaux yeux bleus d'ardoise qui pleuraient des larmes de fou rire. Elle ne trouva point de parole et accepta un verre de champagne, puis un autre verre et encore un autre verre. Mais comme elle manifestait l'intention, après le 3e verre, de faire entendre à Gaston Lachaille l'air des clochettes de l'Acmé, Sa mère la conduisit à son lit. Le lendemain, personne ne parlait de cette soirée familiale, hors Gilberte qui s'exclamait « Jamais, jamais de ma vie, je n'ai tant ri. Et il est en or, le porte-mine !» Son expansion rencontrait un silence étrange, ou bien des « Allons, Gigi, sois un peu sérieuse !» jetait comme distraitement. Puis Gaston Lachaille fut une quinzaine sans donner signe de vie ni de présence, et la famille Alvarez ne se documenta que par les journaux. « Tu as vu, André, on a signalé dans les échos mondains le départ de M. Gaston Lachaille pour Monte-Carlo. Une sorte de mystère sentimental que nous respecterons semble environner ce départ. Qu'ils disent ?»« Grand-mère, crois-tu, au cours de danse, Lydia Poré disait que Liane était partie par le même train que tonton, mais dans un autre compartiment. Grand-mère, tu crois que c'est vrai ?» Madame Alvarez haussait les épaules. Si c'était vrai, comment ces Porées le seraient-elles? Elles sont en relation avec M. Lachaille, maintenant? Non, mais Lydia Poré l'a entendu dire dans la loge de sa tante, qui est de la Comédie française. Madame Alvarez échangea un regard avec sa fille. Dans la loge, j'en entends, dit Madame Alvarez. Car elle tenait en mépris le métier d'artiste, en dépit du sévère emploi d'André. Lorsque Madame Émilienne d'Alençon avait décidé de faire évoluer des lapins savants, lorsque Madame de Pougy, plus timide en scène qu'une jeune fille, s'était divertie à mimer un rôle de Colombine en tulle noire pailletée, Madame Alvarez les avait toutes deux flétries d'un seul mot. Comment, elles en sont là ? « Grand-mère, dis, grand-mère, reprit Gilberte, tu le connais, le prince Radziwill ? Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, cette enfant ? Elle est mangée des mouches ? Quel prince Radziwill, d'abord ? Il n'y en a pas qu'un. »« Je ne sais pas, dit Gigi, un qui se marie. Il y a sur la liste des cadeaux trois garnitures de bureau en malachite. Qu'est-ce que c'est, malachite ? « Eh, tu nous ennuies. Du moment qu'il se marie, il n'est pas intéressant. »« Mais si tonton Gaston se mariait, il ne serait pas intéressant non plus ?»« Ça dépend. Ça serait intéressant s'il épousait sa maîtresse. Quand le prince Chéniaguin a épousé Valentine d'Aigreville, on a bien compris qu'il ne voulait pas d'autre vie que celle qu'elle lui faisait depuis 15 ans, c'est-à-dire les scènes, les assiettes jetées contre le mur, les réconciliations en plein restaurant durant, place de la Madeleine. On a compris que c'est une femme qui savait se faire apprécier. Mais tout ça, c'est bien compliqué pour toi, ma pauvre Gigi. Et tu crois que c'est pour épouser Liane qu'ils seraient partis ensemble ? Madame Alvarez appuya son front à la vitre, parut interroger le soleil de printemps qui dotait la rue d'une moitié chaude et d'une moitié fraîche. Non, dit-elle, ou bien je ne connais plus rien à rien. J'ai besoin de parler à Alicia. Gigi, accompagne-moi jusque chez elle, tu m'y laisseras et tu reviendras par les quais. Ça te fera prendre l'air, puisque maintenant, il paraît qu'il faut prendre l'air. Je n'ai jamais pris l'air que 2 fois par an, à Cabourg et à Monte-Carlo, moi. Et je ne m'en porte pas plus mal. » Ce jour-là, Madame Alvarez rentra si tard que la famille dîna de potage tiède et de viande froide et de gâteaux envoyés par tante Alicia. Elle opposa au « Qu'est-ce qu'elle raconte ?» de Gilberte un front de beurre glacé et des réponses d'airain. « Elle raconte qu'elle va t'apprendre à manger des ortolans. »« Chic !» s'écria Gilberte. « Et qu'est-ce qu'elle a dit pour ma robe d'été qu'elle m'a promise ?» Elle a dit qu'elle verrait et que tu n'aurais pas sujet d'être mécontente. Ah ! Dit tristement Gilberte. Elle recommande aussi que tu viennes déjeuner chez elle jeudi, midi tapant. Avec toi, grand-mère ! Madame Alvarez regarda la longue enfant assise en face d'elle, les pommettes hautes et roses sous les yeux bleus comme le soir, les dents épaisses qui mordaient les lèvres fraîches et fendillées, la sauvage abondance des cheveux cendrés. « Non, dit-elle, sans moi. » Gilberte se leva, lui passa un bras autour du cou. « Comme tu dis ça, grand-mère, tu ne vas pas me mettre en pension chez tante Alicia, au moins. Je ne veux pas quitter d'ici, grand-mère. » Madame Alvarez s'enroua, toussa, sourit. « Mon Dieu, que cet enfant est bête! Quitter d'ici! Ah, ma pauvre Gigi, ce n'est pas pour t'en faire reproche, mais tu n'en prends guère le chemin. » Tante Alicia, pour cordon de sonnette, avait suspendu à sa porte un galon de perles, sur le fond duquel couraient des feuilles de vigne vertes et des raisins violets. La porte elle-même, vernie, revernie et comme mouillée, brillait d'un éclat de sombre caramel. Dès le seuil, couvrait un domestique mâle, Gilberte goûtait sans discernement une atmosphère de luxe discret. Le tapis, recouvert lui-même de tapis de Perse, lui donnait des ailes. Madame Alvarez, ayant décrété que le petit salon Louis XV de sa sœur était l'ennui même, Gilberte répétait « Le salon de tante Alicia est très joli, mais c'est l'ennui même. » Et elle réservait sa considération pour une salle à manger en citronnier pâle, datant du directoire, blonde et sans incrustation, parée des seules veines d'un bois transparent comme la cire. « Je m'en achèterai une comme ça plus tard, » disait innocemment Gilberte. « C'est ça, au faubourg Antoine, » raillait tante Alicia en souriant d'une bouche fine, ornée de petites dents qu'on entrevoyait par éclairs. Elle avait 70 ans et des goûts personnels, une chambre à coucher gris d'argent à vase de chine rouge, une salle de bain étroite et blanche, chaude comme une serre, une santé robuste qu'elle cachait sous des affectations de fragilité. Les hommes de sa génération, quand ils voulaient dépeindre Alicia de Saint-Efflan, se perdaient dans des « Ah, mon cher !» des « Rien ne peut donner une idée !» Ceux qui avaient été ses intimes montraient des photographies que les jeunes gens trouvaient médiocres. Vraiment, elle était très jolie, on ne croirait pas sur la photo. D'anciens amoureux rêvaient un moment devant ses portraits, reconnaissaient un poignet ployé en coup de cygne, une petite oreille, un profil où se révélait le rapport délicieux entre une bouche façonnée en cœur et l'angle très ouvert des paupières à longs cils. Gilberte embrassa la jolie vieille dame qui portait sur ses cheveux blancs une pointe en chantilly noire et sur son corps, un peu tassé, une robe d'intérieur en taffetas changeant. « Tu as ta migraine, tante Alicia ?»« Je ne sais pas encore, » répondit tante Alicia. « Ça dépendra du déjeuner. Viens vite, les œufs sont prêts. Quitte ton manteau. Qu'est-ce que c'est que cette robe ?» Une à maman qu'on m'a refaite. C'est des œufs difficiles ce matin ? Du tout, œufs brouillés au crouton. Les ortolans non plus ne sont pas difficiles. Et tu auras de la crème au chocolat. Moi aussi j'en aurai. La voix jeune, les rides clémentes rehaussées de rose, une dentelle sur ses cheveux blancs, tante Alicia jouait les marquises de théâtre. Gilberte révérait sa tante en bloc. En s'attablant, elle tira sa jupe sous son séant, joignit les genoux, rapprocha ses coudes de ses flancs en effaçant les omoplates et ressembla à une jeune fille. Elle savait sa leçon, rompait délicatement son pain, mangeait la bouche close, se gardait, en découpant sa viande, d'avancer l'index sur le dos de la lame. Un catogan serré sur la nuque découvrait les frais abords du front et des oreilles, et le cou, singulièrement puissant dans l'encolure, un peu raté, de la robe refaite, d'un bleu morne, à corsage froncé sur un empiècement, rafistolage sur lequel on avait cousu, pour l'égayer, 3 rangs de galons mohair au bord de la jupe et 3 fois 3 galons mohair sur les manches, entre le poignet et l'épaule. tant Alicia, en face de sa nièce, l'épiait de son bel œil bleu-noir sans trouver rien à redire. « Quel âge as-tu ? » demanda-t-elle brusquement. « Mais comme l'autre jour, tante, 15 ans, 6 mois. Tante, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire de tonton Gaston ? Pourquoi, ça t'intéresse ? Bien sûr, tante, ça m'ennuie. Si tonton se remet avec une autre dame, il ne viendra plus jouer au piquet à la maison, ni boire de la camomille, au moins pendant quelque temps. Ce sera dommage. » C'est un point de vue, évidemment. Tante Alicia, les paupières clignées, regardait sa nièce d'une manière critique. « Tu travailles à tes cours. Qui as-tu comme ami ?» Les ortolans, couplés en deux d'un coup de couteau bien assuré qui ne fasse pas grincer la lame sur l'assiette. Croquent chaque moitié. Les os ne comptent pas. Réponds à ma question sans t'arrêter de manger et pourtant sans parler la bouche pleine. Arrange-toi. Puisque je le fais, tu peux le faire. Qui as-tu comme ami ? Personne, tante. Grand-mère ne me permet même pas d'aller goûter chez les parents de mes camarades de cour. Elle a raison. Dehors, tu n'as personne dans tes jupes. Pas de surnuméraire à serviette sous le bras. Pas de collégien. Pas d'homme mûr. Je te préviens que si tu mens, je le saurai. Gilberte contemplait le brillant visage de vieille femme autoritaire qui l'interrogeait avec âpreté. « Mais non, tante, personne. Est-ce qu'on t'a parlé de moi en mal ? Je suis toujours toute seule. Et pourquoi grand-mère m'empêche-t-elle d'accepter des invitations ? Elle a raison pour une fois. Tu ne serais invitée que par des gens ordinaires, c'est-à-dire inutiles. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires ? Ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés. Mais je ne crois pas que tu comprennes. Si, tante, je comprends que nous ne nous marions pas. Le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin. Mais est-ce que ça m'empêche de fréquenter des jeunes filles de mon âge ? Oui, tu t'ennuies chez toi. « Ennuie-toi un peu, ce n'est pas mauvais. L'ennui aide aux décisions. »« Qu'est-ce que c'est ? Une larme ? Une larme de petite sotte qui n'est pas en avance pour son âge. Reprends un ortolan. » Tante Alicia étreignit, de 3 doigts étincelants, le pied de son verre qu'elle leva. « À nos santé, Gigi, tu auras une quédive avec ta tasse de café. À condition que je ne vois pas le bout de ta cigarette mouillée, et que tu fumes sans crachoter des brins de tabac en faisant « ptu, ptu, ptu ». Je te donnerai aussi un mot pour une première de ces béchoves David, une ancienne camarade qui n'a pas réussi. Ta garde-robe va changer. Qui ne risque rien n'a rien. Les yeux bleus foncés brillèrent. Gilberte bégaya de joie. « Tante, tante, de chez B. Chauve David !» « Mais je croyais que tu n'étais pas coquette. » Gilberte rougit. « Tante, je ne suis pas coquette pour les robes qu'on me fait à la maison. » « Je comprends ça. Aurais-tu du goût ? Quand tu penses à te faire belle, comment te vois-tu ? » « Oh, mais je sais très bien ce qui m'irait, tante. J'ai vu. » « Explique-toi sans geste. Dès que tu gesticules, tu fais commun. » « J'ai vu une robe. » Oh, une robe créée pour Madame Lucie Gérard. Des centaines de petits plis en mousseline de soie gris-perle, du haut en bas. Et puis, une robe de drap découpé, bleu lavande, sur un fond de velours noir, le dessin découpé fait comme une queue de paon sur la traîne. La petite main aux belles pierreries brilla dans l'air. Assez, assez. « Je vois que tu aurais des tendances à t'habiller comme une grande coquette du français et tu prends ça pour un compliment. Viens verser le café et sans relever le bec de la cafetière d'un coup de poignet pour couper la goutte. J'aime encore mieux un bain de pied dans la soucoupe que des virtuosités de garçon de café. » L'heure qui suivit parut courte à Gilberte. Tant Alicia avait entrouvert un coffret à bijoux pour une leçon éblouissante. Qu'est-ce que c'est que ça, Gigi ? Un diamant navette. On dit un brillant navette. Et ça ? Une topaze. Tante Alicia leva ses mains que le soleil, ricochant sur ses bagues, éclaboussa de bluettes. Une topaze ! J'ai enduré bien des humiliations, mais celle-là dépasse tout. Une topaze parmi mes bijoux ? Pourquoi pas une aigue marine ou un péridot ? C'est un brillant jonquille, petite dinde, et tu n'en verras pas souvent de pareil. Et ça ? Gilberte entr'ouvrit la bouche, devint rêveuse. Oh, ça, c'est une émeraude ! Oh, que c'est beau ! Tante Alicia passa la grande émeraude carrée à son doigt mince et se tut un moment. Tu vois, dit-elle à mi-voix, ce feu presque bleu qui court au fond de la lumière verte ? Seules les plus belles émeraudes contiennent ce miracle de bleu insaisissable. Qui te l'a donné, tante ? Osa demander Gilberte. Un roi, dit simplement tante Alicia. Un grand roi ? Non, un petit. Les grands rois ne donnent pas de très belles pierres. Pourquoi ? Tante Alicia montra fugitivement le blanc de ses dents étroites. Si tu veux mon opinion, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça. Entre nous, les petits non plus. Alors, qui donne les très belles pierres ? Qui ? Les timides, les orgueilleux aussi. Les mufles, parce qu'ils croient qu'en donnant un bijou monstre, ils font preuve de bonne éducation. Quelquefois une femme pour humilier un homme. Ne porte pas de bijoux de second ordre, attends que viennent ceux de premier ordre. Et s'ils ne viennent pas ? Tant pis, plutôt qu'un mauvais diamant de 3 000 francs, porte une bague de 100 sous. Dans ce cas, tu dis, c'est un souvenir, je ne le quitte ni jour ni nuit. Ne porte jamais de bijoux artistiques, ça déconsidère complètement une femme. C'est quoi un bijou artistique ? Ça dépend, c'est une sirène en or avec des yeux en chrysoprase. C'est un scarabée égyptien, une grosse améthyste gravée. Un bracelet pas très lourd, mais dont on dit qu'il est ciselé de main de maître. Une lyre, une étoile montée en broche. Une tortue incrustée. Enfin, des horreurs. Ne porte pas de perles baroques, même en épingle à chapeau. Garde-toi aussi du bijou de famille. Grand-mère a pourtant un beau camé en médaillon. Il n'y a pas de beau camé, dit Alicia en hochant la tête. Il y a la pierre précieuse et la perle. Il y a le brillant blanc, jonquille, bleuté ou rose. Ne parlons pas des diamants noirs, ils n'en valent pas la peine. Il y a le rubis quand on est sûr de lui. Le saphir quand il est de cachemire. L'émeraude, pourvu qu'elle n'ait pas Dieu sait quoi dans son eau, d'un peu clair, d'un peu jaunasse. Tante, j'aime bien aussi les opales. Désolée, mais tu n'en porteras pas. Je m'y oppose. Saisie, Gilberte resta un moment bouche bée. Oh, toi aussi, tu le crois, tante, qu'elles attirent la mauvaise chance ? Pourquoi donc pas ? Petite bête, reprit légèrement Alicia, il faut avoir l'air d'y croire. Crois aux opales, crois. Voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien t'indiquer ? Au turquoise qui meurt, au mauvais œil. Mais, dit Gigi hésitante, ce sont des superstitions. Bien sûr, ma fille, on appelle ça aussi des faiblesses. Un joli lot de faiblesses et la peur des araignées, c'est notre bagage indispensable auprès des hommes. Pourquoi, tante ? La vieille dame ferma le coffret, garda devant elle Gilberte agenouillée. Parce que 9 hommes sur 10 sont superstitieux, 19 sur 20 croient au mauvais œil et 98 sur 100 ont peur des araignées. Ils nous pardonnent beaucoup de choses, mais non pas d'être libres de ceux qui les inquiètent. Qu'est-ce que tu as soupiré ? Jamais je ne me rappellerai tout ça. L'important n'est pas que tu te le rappelles, mais que moi, je le sache. Tante, qu'est-ce qu'une garniture de bureau en... malachite ? Toujours une calamité. Mais qui, bon Dieu, t'apprend des mots pareils ? La liste des cadeaux de grand mariage, tante, dans les journaux. Jolie lecture. Enfin, tu peux toujours y apprendre quels sont les cadeaux qu'il ne faut ni faire ni recevoir. En parlant, elle touchait ça et là, d'un ongle aigu, le jeune visage à hauteur du sien. Elle soulevait une lèvre fendillée, vérifiait l'émail sans tache des dents. Belle mâchoire, ma fille, avec des dents pareilles, j'aurais mangé Paris et l'étranger. Il est vrai que j'en ai mangé un joli morceau. Qu'est-ce que tu as là? Un petit bouton? Tu ne dois pas avoir un petit bouton près du nez. Et là, tu t'es pincé un point noir. Tu ne dois ni avoir ni pincer un point noir. Je te donnerai de mon eau astringente. Il ne faut pas manger d'autres charcuteries que du jambon cuit. Tu ne mets pas de poudre? Grand-mère me le défend. Je l'espère bien. Tu vas régulièrement au petit endroit? Souffle-moi dans le nez. D'ailleurs, à cette heure-ci, ça ne prouve rien, tu viens de déjeuner. Elle posa ses mains sur les épaules de Gilberte. Fais attention à ce que je te dis, tu peux plaire. Tu as un petit nez impossible, une bouche sans style, les pommettes un peu mougiques. Oh, tante ! Gémit Gilberte. Mais tu as de quoi t'en tirer avec les yeux, les cils, les dents et les cheveux, si tu n'es pas complètement idiote. Et pour le corps ? Elle coiffa de ses paumes en conque la gorge de Gigi et sourit. Projet, mais joli projet, bien attaché. Ne mange pas trop d'amandes, ça alourdit les seins. Ah, fais-moi donc songer à t'apprendre à choisir les cigares. Gilberte ouvrit de si grands yeux que les pointes de ses cils touchèrent ses sourcils. Pourquoi ? Elle reçut une petite claque sur la joue. Parce que je ne fais rien sans raison. Si je m'occupe de toi, il faut que je m'occupe de tout. Quand une femme connaît les préférences d'un homme, cigare compris, quand un homme sait ce qui plaît à une femme, ils sont bien armés l'un contre l'autre. Et ils se battent, conclut Gilberte d'un air fin. Comment, ils se battent ? La vieille dame regarda Gigi avec consternation. Ah, dit-elle, ce n'est décidément pas toi qui as inventé la glace à trois faces. Viens, psychologue, que je te donne un mot pour Madame Henriette de chez Béchoff. Pendant qu'elle écrivait, assise à un bonheur du jour minuscule et rosé, Gilberte respirait le parfum de la chambre soignée, recensait sans convoitise les meubles qui lui étaient familiers et mal connus, l'amour sagittaire indiquant les heures sur la cheminée, deux tableaux galants, un lit en forme de vasque et sa couverture de chinchilla, le chapelet de petites perles fines et les évangiles sur la table de chevet, deux lampes de Chine rouges, heureuses sur la tenture grise. File, mon petit, je te convoquerai par la suite. Demande à Victor le gâteau que tu vas emporter. Doucement, ne me décoiffe pas. Et tu sais, je te regarde partir. Gare à toi si tu marches en grenadier ou si tu traînes les pieds.